Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur Play FM 89.9 à une émission Bric-à-Brac AID. Aujourd'hui, nous recevons une psychologue, Delia Vlad. Psychologue, oui. Psychologue. Qu'est-ce que j'ai dit, une bêtise? Psychologue. Ah, psychologue. Vous êtes psychologue aussi, peut-être? Il y a une relation, tout à fait, mais on travaille beaucoup plus avec le corps, que le corps. En sophrologie, pas uniquement avec le mental, mais ça en fait partie. Ma langue a fourché. Bonjour à vous en tout cas. Bonjour. Bonjour Lina. Bonjour Josy. Bonjour l'équipe. Bonjour Gilles. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Et bonjour Alain. Et bonjour. Delia. Voilà, donc aujourd'hui nous avons à gagner deux séances d'hypnose avec Fred Masseur. Voilà, si vous voulez gagner ces deux séances, ça traite du prise de poids, tabac, phobie, etc. Alors, vous nous appelez au numéro 04 88 50 18 21, 04 88 50 18 21, ou sur notre page Facebook, voilà, de la radio. Et vous aurez votre séance avec Fred, qui est très compétent. Voilà. Très gentil. Et très gentil. Donc, nous faisons une petite pause et nous nous retrouvons tout à l'heure avec Delia. À tout à l'heure. Fly FM, le meilleur des hits, le meilleur des hits. Emmène-moi loin de ma vie, tout près de toi, loin d'ici. Emmène-moi que j'oublie ce mal de toi qui me détruit. Donne-moi. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 et aujourd'hui nous recevons Delia Vlad qui est sophrologue et Linda va nous emmener découvrir un peu exactement cette voilà exactement. Bonjour Delia. Bonjour Linda. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Merci. On va s'arrêter peut-être un petit peu sur le mot sophrologie. Avec grand plaisir, hein, parce que déjà le mot lui-même est très significatif. Point de vue étymologique, ça veut dire sos, frein, logos, donc étude de l'harmonie de la conscience. Et effectivement, c'est la conscience qui est vraiment l'objet et le sujet de la sophrologie. Et ce qu'on essaye de faire en sophrologie, c'est d'amener cette conscience dans plus de maturité et dans plus d'harmonie. Donc, je vais juste faire un petit parallèle. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Parce que là aussi, on a parlé du subconscient. Donc, c'est complètement différent. Pour ne pas mélanger tout. Oui, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger dans le sens où, effectivement, le créateur de la sophrologie, il s'est inspiré de plein de domaines différents, dont la psychologie, la psychiatrie, l'hypnose, des techniques de méditation... du yoga également, pour créer une discipline nouvelle qui n'est pas orientée comme dans l'hypnose vers le subconscient ou vers l'inconscient, mais qui vise le développement de la conscience. Donc, une autre différence, c'est le fait qu'en sophrologie, nous essayons d'apporter la personne vraiment vers le plus d'autonomie possible. Donc, on ne va pas être dans la suggestion vis-à-vis des personnes, on va être dans une démarche de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va passer aussi bien par le corps que par des exercices qui visent plus ce qui se passe au niveau du mental ou des émotions. Et la conscience, elle va intégrer le corps et l'esprit, le mental, les émotions et les sensations pour plus de conscience dans la vie et plus de bien-être également. Mmh. Est-ce que c'est une science ? Oui, c'est tout à fait une science, puisqu'il y a des études qui sont faites par rapport à cette discipline, qui existe aussi en tant que discipline, par exemple, dans des facultés de médecine. Donc, et comme le créateur de la sophrologie était un médecin, on est vraiment dans un cadre scientifique. Tout à fait. On va faire une petite pause. On se retrouve tout à l'heure avec vous, Delia. À merci. Tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Another freaking day. I'm going nowhere. Don't wanna hear them say, will you be there? Je me cache un peu de la lumière. Ce sont les jours de pluie que je préfère. Je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je Nous voilà revenus sur Play FM 89.9 avec Delia et Linda. Donc on va peut-être quand même donner le nom du médecin qui a mis au point la sophrologie. Oui, c'est le docteur Caicedo, Alfonso Caicedo, qui est un médecin neuropsychiatre. C'est important de le savoir parce que ça montre bien tout l'ancrage de la sophrologie dans la psychologie et dans la neurologie contemporaine. Parce que parfois on me dit, mais c'est quoi? C'est de la méditation? Pas tout à fait, c'est vraiment une discipline qui est adaptée à notre vie occidentale et qui bénéficie de toutes les avancées de la psychologie contemporaine. C'est un point qui est très important. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rythme de la sophrologie, comment on commence, par où on commence et comment ça évolue après? Comment on peut évoluer? Alors, donc la sophrologie, il faut savoir qu'il y a deux types de techniques, ce qu'on appelle les techniques statiques, qui sont plus, on va dire, bon, statique, ça veut dire qu'on va être assis en général, et qui sont plus d'ordre mental, on parle des visualisations, mais en réalité, ce sont plutôt des activations liées à nos capacités, à la confiance, par exemple, ou d'autres problématiques que les personnes peuvent avoir. Et puis, il y a ce qui constitue la colonne vertébrale de la sophrologie et qui fait la différence avec d'autres approches, c'est ce qu'on appelle les relaxations dynamiques, qui sont organisées en degrés, comme ça, du premier au douzième degré. Et la première chose qu'on fait en sophrologie, c'est développer la conscience du corps, donc le premier degré de relaxation dynamique, dans lequel on va venir travailler chaque partie du corps, chaque zone, comme on appelle, au système. Par exemple, la tête et le visage, avec les organes qui sont à l'intérieur, le cerveau. Et il y a des exercices spécifiques qui vont nous aider à développer la conscience de cette partie du corps, qui consiste dans une combinaison de respiration, mouvement et tension et relâchement musculaire. Et donc, chaque partie du corps, les exercices en général se passent les yeux fermés et debout, par exemple, dans la relaxation dynamique de premier degré, et ça développe la conscience de notre corps par les sensations, par le mouvement, par la conscience de ce qui se passe quand on est tendu et détendu. Cette première relaxation dynamique permet de mettre un petit peu de côté notre mental et de prendre vraiment conscience, c'est un travail de concentration également, d'être vraiment dans ce qui se passe uniquement dans le corps. Après, il y a une évolution dans le deuxième degré, par exemple de relaxation dynamique, on va être dans la conscience du mental. Donc, on va apprendre à s'observer de l'extérieur, toujours en passant par le corps, mais on est un peu comme un observateur qui tourne autour du corps et pour développer cette tridimensionnalité de la conscience dans l'espace. Après, il y a la tridimensionnalité dans le temps. Donc, c'est toute une démarche qui est assez intéressante. Et on revient. On fait une pause et on se retrouve tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Je veillerai sur toi. danse la lune, danse ma lune. Que brille mon étoile, brille les étoiles. Je veillerai sur toi, je ne veux que ça. Et danse la lune, danse ma lune. Que brille mon étoile, brille les étoiles. Je veillerai sur toi, je ne veux que ça. Et danse la lune, danse ma lune. Que brille mon étoile, brille les étoiles. Je veillerai sur toi, je ne veux que ça. Et danse la lune, danse ma lune. Que brille mon étoile, brille les étoiles. Je veillerai sur toi, je ne veux que ça. Et danse la lune, danse ma lune. Et danse la lune, danse ma lune. Et danse la lune. Bonjour FM 89.9 avec aujourd'hui Delia Flad et Linda qui prend le relais sur la sophrologie, le thème d'aujourd'hui. Donc on revient sur la sophrologie, à quel public on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse à des enfants, des adultes? Donc là, ce qui était très intéressant avec la sophrologie, c'est que ça peut être pratiqué à partir de 3 ans jusqu'à... un âge indéfini, hein, jusqu'à ce que les personnes le souhaitent, quelque part. Dans les ateliers pour adultes, donc on a des personnes qui peuvent aller de 20 ans jusqu'à je crois que j'ai une personne qui doit avoir 90 ans dans un atelier. 100 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas, absolument. D'ailleurs, il y a des sophrologues qui peuvent intervenir dans des structures de... De gériatrie, tout à fait. On utilise, en fait, on pratique la sophrologie avec des adolescents. Je fais un atelier au collège de Perne, par exemple, avec des adolescents du collège. Et aussi, on peut pratiquer avec des enfants, bien sûr, d'une façon beaucoup plus ludique. Hein, donc, les exercices sont adaptés à l'âge des personnes. Mais voilà, c'est très, très large au niveau de l'âge. Donc, ces séances se font ou en groupe ou individuelles éventuellement? Oui, donc il y a les ateliers, ce que j'appelle les ateliers, qui se pratiquent en groupe, dans des groupes qui peuvent aller de 6, bon moi je préfère des groupes qui ne sont pas énormes, 6 à 12 personnes. Et dans ces ateliers-là, bien sûr on ne va pas rentrer trop dans la problématique personnelle des gens. Après, quand il y a des choses plus pointues ou des difficultés particulières que quelqu'un pourrait avoir, on va voir ça plutôt en séance individuelle. Mais dans un atelier de groupe, on va faire des exercices, mais il y aura aussi des échanges. Ce n'est pas que dans les exercices, c'est aussi le retour qu'on a sur le vécu et sur les choses qui peuvent ressortir à travers les exercices. J'ai vu aussi que vous commencez des nouveaux ateliers en collaboration avec une diététicienne. Oui, j'ai fait... Donc une gestion du poids, je pense. Oui, tout à fait. Je trouve que cette approche dans laquelle on va combiner les outils de la sophrologie avec la connaissance d'une diététicienne est très intéressante parce que on va pouvoir être vraiment très pointu. Moi, je ne suis pas diététicienne, donc je ne vais pas pouvoir conseiller les gens sur leur façon de manger, etc. Et en même temps, derrière les problématiques du poids, il y a souvent la gestion du stress et des émotions. Et toute la problématique du fait de manger en conscience. Donc, par exemple, on va faire dans ces ateliers ce qu'on appelle des sophrodégustations. Pour des gens qui mangent beaucoup de chips, par exemple, on a fait cette expérience. On a fait une dégustation en état de relaxation du chips que la personne va manger en grosse quantité comme mouliment, ça. Mouliment. Parce que c'est croquant, parce que voilà. Et puis, le fait de déguster ça en conscience, les gens se rendent compte qu'en fait, c'est pas si appétissant que ça. Et que si on ressent réellement tous les goûts, mais ça ne donne pas forcément envie de reprendre en grosse quantité. Voilà, on va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. On reparlera de la problématique de vos clients, si on peut dire. Avec à tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Avec Delia Vlad qui va nous parler de sophrologie et Linda qui est notre animatrice bien-être santé. À toi Linda. Donc on revient sur cette collaboration dans la gestion du poids. Donc je pense qu'à ce moment-là, vous allez aussi travailler sur la notion, sur l'image de soi. Oui, il y a deux aspects effectivement quand on n'est pas forcément très bien dans son corps. Et quand on a un problème de poids, on est un peu dans une relation pas très amicale avec son corps. Donc la sophrologie, elle va aider d'une part à se réapproprier son corps avec plus de bienveillance, y compris avec le toucher, avec des exercices dans lequel on va apprendre à suspendre un peu ses jugements vis-à-vis de soi-même. Et puis effectivement, l'image du corps, comme je parlais tout à l'heure de la relaxation dynamique du deuxième degré, où on va pouvoir voir son corps de l'extérieur, tout ça pour retrouver une relation un nouveau lien avec son corps et ne pas être dans la culpabilité et dans la... et ne pas se malmener dans son corps. Donc voilà. S'aimer soi-même. Voilà, ouais. S'aimer et se... Et s'accepter. Et s'accepter et accepter aussi qu'on peut changer son corps. Il y a des personnes, par exemple, qui vont perdre du poids et qui vont avoir l'impression que c'est pas vrai. Oui. Donc, c'est retrouver vraiment son corps dans sa réalité et dans tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable aussi, et dans tout le bien-être qu'on peut ressentir dans le corps. Donc, et en fait, votre premier métier, vous avez un master en anthropologie et communication. Comment est venue l'idée de la sophrologie? Alors, donc, l'anthropologie, d'une certaine façon, c'est pas si loin, dans le sens où c'est une science humaine et une science dans laquelle on va étudier aussi la personne aussi bien dans son contexte social et culturel que dans sa partie plus psychologique. Donc déjà, c'est une passion de longue date. Et en même temps, ça fait 20 ans que je suis intéressée à tout ce qui est développement personnel. J'ai pratiqué moi-même la méditation, le zen, le yoga et plein de techniques de ce type-là. Ensuite, j'ai connu aussi le travail de psychothérapie. Et c'est là où j'ai compris l'intérêt d'avoir une discipline dans laquelle le corps et l'esprit sont ensemble. Et qu'il n'y a pas de... On ne peut pas avoir un bien-être qui se passe que dans la tête et qui passe par le corps. Et que le corps, c'est vraiment ce qui permet d'être dans une forme de plénitude, la plénitude de l'être et dans la conscience. Voilà, donc c'est vraiment une passion très, très ancienne et qui m'a apporté dans ce domaine-là. Donc, vous intervenez à plusieurs endroits dans la région. Donc, vous avez votre cabinet en individuel au Thor. Après, vous intervenez dans pas mal de salles autour où vous faites des ateliers. Des ateliers, voilà. Cherchez le mot. C'est des ateliers. Donc, on parle des ateliers quand on fait une pratique de groupe. Donc, effectivement, j'interviens à la MJC de Carpentras. À l'Oriole du Comtat, à la Maison des Associations, le Centre des Loisirs et de Culture de Pernes-les-Fontaines. Je fais des ateliers de groupe aussi dans mes locaux au Thor. Et au Thor, bien sûr, les sciences individuelles à mon cabinet. Je pense qu'il y a aussi Montfavet. Oui. Et Montfavet, effectivement, où je travaille depuis un petit moment avec le Centre L'Espélido, qui est aussi un centre social et culturel. On va se faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Tout de suite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hits. 40 minutes de hits. Sans pub. FM 89.9 avec la sophrologie aujourd'hui comme thème avec Delia Flad et Linda qui reprend le micro. Donc, est-ce qu'on peut simplement donner quelques exemples pour les personnes qui nous écoutent dans quel cas on peut employer la sophrologie ? Dans quelle pathologie ou pas pathologie ? Parce que bon, pas nécessairement pathologie. Oui, tout à fait. Donc, on peut pratiquer la sophrologie tout simplement dans une optique de bien-être. Donc, dans un atelier de groupe pour la relaxation, pour passer un moment dans lequel on prend soin de soi, pour mieux se connaître, ça sera plus dans une optique de développement personnel, sans qu'il y ait forcément quelque chose de particulier à soigner derrière. Les personnes qui viennent vers la sophrologie parce qu'il y a une difficulté, ça va être bien sûr le stress, hein, donc et ça peut être aussi dans le cas des enfants, mm-hmm. des enfants ou des ados qui sont assez stressés de nos jours, il faut le dire. Donc ça peut être le stress, ça peut être des problèmes de sommeil, ça peut être toute la thématique de la confiance en soi. Ça peut être des douleurs aussi, comme la fibromyalgie. Comme la fibromyalgie, j'ai plusieurs personnes qui en tirent des bénéfices par une pratique régulière. Et cette pratique régulière, elle est vraiment très importante dans ce type de pathologie. De pathologie. Les grandes lignes des difficultés qu'on peut avoir. L'anxiété aussi, énormément l'anxiété. Et je crois pour préparer à l'accouchement, on peut faire de la sophrologie. Là, on est plus dans un cadre médical. Au niveau de... Puisqu'on a aujourd'hui des médecins ou des professionnels de santé qui utilisent la sophro pour l'accouchement, pour l'accompagnement des maladies chroniques. Et aussi au milieu psychiatrique. Donc la sophrologie est rentrée dans l'hôpital. Elle a commencé à l'hôpital et elle est sortie vers le grand public depuis une bonne trentaine d'années. D'accord. Donc le samedi 13 mai, je pense que vous préparez une conférence, mais on va revenir dessus. Oui, on va faire une pause et après on parlera de la conférence et de votre atelier du samedi 20 mai. Avec plaisir. À tout à l'heure. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Je me rappelle de Peter Bowling when I was young. Des parties de bowling à LA Downtown, le ciné de Belle Épine, le centre commercial, la tête dans les nuages, mise en orbite spatiale. Je me rappelle de Shawn Michaels, Marisa Bond, de Mark Lenders, d'un jogging trois bandes, de Paris Central et Sun. Et des pleins d'essence, des coups de pression de la daronne pour mes notes de science. La vie elle passe, mais je m'en rappelle. Est-ce que tu passes, faut qu'on s'appelle. Je bois trop la tasse, ça me fout la haine. Sans vous la vie, vaut plus la peine. Qu'on s'en refasse, c'est des plus belles. Que personne ne manque à l'appel. Que le Wu-Tang reste éternel. Je vous dédicace, c'est au pluriel. Je me rappelle des Patrick Ewing et d'une autre paire de Nike, des sessions beat juggling avec Little Mike, les parties d'art fighting jusqu'à minuit 30 dans les berges en wheeling sur mon QR50. Je me rappelle d'Over the Top, mes gars du château, de top of the pop, mes premières bandes démo, d'avoir eu la cote d'un côté à l'autre, d'avoir roulé en 4x4, 4 fois trop d'égo. La vie elle passe, mais je m'en rappelle. Est-ce que tu passes, faut qu'on s'appelle. J'bois trop la tasse, ça me fout la haine. Sans vous la vie, il faut plus la peine. Qu'on s'en refasse, c'est des plus belles. Que personne ne manque à l'appel. Que le Wu-Tang reste éternel. J'vous dédicace, c'est au pluriel. Sur Fly FM 89.9 avec Delia Vlad et la sophrologie. Et Linda va nous en dire un peu plus. Donc on revient sur la conférence que vous préparez le 13 mai à Pernes-les-Fontaines. Oui, donc c'est une conférence qui va avoir lieu aux Augustins à Pernes, un samedi après-midi, donc pour les baladeurs, et qui s'intitule « La sophrologie perspective et pratique », donc avec une vision un peu plus théorique sur ce que c'est la sophrologie, son histoire et son originalité, et aussi ses valeurs et la vision du monde qu'elle propose. Oui. Après, vous préparez aussi le samedi 20 mai, un atelier plutôt, qui est plutôt dirigé pratique. Oui, donc le 20 mai, c'est un atelier qui a lieu le matin, c'est toujours un samedi, et de 10h à 11h30 à la MJC. Et là, on va faire des exercices. La MJC de Carpentras, oui. Avec des exercices et des échanges sur le sujet des émotions qui passionnent beaucoup les personnes qui viennent faire de la sophrologie. Et pour votre conférence, vous êtes toute seule? Oui. C'est moi qui va faire la conférence avec un exposé, avec des diapos, avec des schémas pour apporter aussi des choses que je ne fais pas tous les jours dans les ateliers. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle Delia Vlad Sophrologie. Donc je mets cette page à jour assez régulièrement, donc vous pouvez y voir toute mon actualité et me contacter par cette page, par exemple pour vous inscrire à cette conférence. Bien sûr. Et pour la MJC, il faut contacter directement la MJC de Carpentras pour les inscriptions. Donc toutes les infos sont sur votre page Facebook Delia Vlad, sophrologue. Sophrologie. Tout à fait. Pardon. Voilà, mais écoutez, et je voulais une petite dernière chose, c'est que je suis aussi formatrice de sophrologue dans l'école de sophrologie qui s'appelle Sophro Sud et qui se trouve sur Avignon. D'accord. Eh bien, voilà. Écoutez, on vous remercie. Et c'est moi qui remercie toute l'équipe de Fly FM. Merci et à tous, ceux qui nous ont écoutés. Ah ben, bien sûr. Et toutes celles. Merci. Et il faudra dire qu'on a le podcast qui sera sur notre site bientôt. Et voilà. Bon, je crois qu'Alain va nous présenter un petit livre, Titus de mes Pomerides. Non, après la pause. Ah, voilà, le chef a dit après la pause, j'obéis. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Mon regard se croise, je te vois sourire. J'ai peur de la distance. On échange ses phrases. Je te vois grandir. Et je perds de la confiance. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Que faut-il apprendre pour que l'on se rapproche? Toi qui as le monde entier dans la poche. Oh, mon enfant, dis-moi pour toi à quoi. temps pour se parler, on trouve plus le temps. Et l'amour est virtuel, virtuel. Comment, comment faire pour te comprendre? Comment, comment faire pour te décoder? Que faut-il que j'apprenne pour que l'on se rapproche? Toi qui as le monde entier dans la poche. Alors, Fly FM 89.9, après la sophrologie, Alain, je pense que tu as un livre à nous parler. Oui, alors c'était un roman qui a eu le prix Médicis en 2015 et qui est ressorti cette année donc, par Folio. C'est Titus n'aimait pas Bérénice, de Nathalie Azoulay. Alors de nos jours, à la terrasse d'un café, Titus annonce à Bérénice qu'il la quitte pour retrouver son épouse Roma et leurs enfants. Effondrée de douleur, Bérénice veut comprendre pourquoi la tragédie de Racine se renouvelle et qu'est-ce qui a pu pousser Racine à l'écrire. Elle va donc chercher dans tout ce qui a été écrit, et par l'auteur, et dans son œuvre. Son enfance et son adolescence chez les jansénistes de Port-Royal jusqu'à la cour de Versailles. Des études des classiques grecs et latins à la création de tragédies en alexandrin. À toutes les étapes, il cherche la représentation la plus rigoureuse possible de la douleur féminine à travers ses héroïnes, sans pour autant trahir l'unité de la composition de la tragédie. Tour à tour, étudiant ambitieux, bourgeois, poète reconnu, dramaturge établi, académicien, courtisan anobli proche du roi, à la lumière de cette biographie, Bérénice va découvrir les similitudes existantes entre Titus qui sacrifie Bérénice pour la conduite de l'Empire, Louis XIV qui sacrifie l'amour de Marie Mancini pour unir la France à l'Espagne, et Racine qui accepte d'être rejeté par Louis XIV pour revenir à son point de départ, Port-Royal, là où il a tout appris de ce qui allait faire de lui un grand homme. Alors la boucle est bouclée. Bérénice a-t-elle compris que Titus l'aimait, mais que la raison devait l'emporter sur sa passion? Ça, on ne sait pas. Hein. À la mort de son amour, à la mort de son amant, elle pourra enfin faire son deuil et de l'homme et de l'amour qu'elle lui portait. C'est un bouquin qui est remarquablement bien fait, qui dissèque vraiment et explique l'œuvre de Racine. C'est loin des cours magistraux ennuyeux qu'on peut avoir au collège, mais si on lit ça, on a tout compris et on adore Racine. C'est tout ce que je pouvais dire. Très bien. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais le lire. Hein. Ah oui, ah oui, toi qui lis pas mal aussi, Claudie. Je suis toujours dans Stephen King. Ah, il est bien. Hein. Ah oui, il est bien. Tu fais pas de cauchemar la nuit, ça va? Non. Je crois que tu vas nous présenter un film. C'est long, hein. Alors après, on aura le temps, oui. Hein, on va te comprendre. Alors moi, je passe pas de Racine, je passe à Morgan Freeman et Michael Caine, avec aussi Matt Dillon, Christopher Lloyd, John Ortiz. Je crois qu'Alain, ça te parle tout ça. Michael Caine, il est encore vivant? Eh oui, il est encore vivant. C'est des vieux, qui ont à peu près 80 ans et qui qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ben, ils en ont marre de voir que leur retraite n'est pas assez suffisante et ils vont faire des braquages à Racine. Okay. Ça dure 1h30. C'est sorti le 3 mai, là, voilà. Et donc, c'est un film sympathique où il y a 3 octogénaires qui sont forcés de braquer leur banque qui leur a pris leurs économies. Ils sont forcés, oui. Bon, après, les banques qui prennent les économies... C'est pas trop moral, mais c'est la récupération, là. Et voilà, et ces derniers voient leur retraite s'envoler, se retrouvent sur le coup d'une expulsion, les charges de leur maison restent impayées, désespérées, et bien, tant qu'à faire, pourquoi pas... on n'a rien à perdre. Hein. Et ils s'entraînent dans le but de devenir des voleurs sur le tard. Ça ne doit pas être triste. Hein. Voilà, il y a des passages très drôles où les protagonistes s'essayent au crime tout en tenant compte de leur âge, limitant leur capacité. Alors, dans cette histoire, Michael Caine, et c'est un superbe homme hébergeant sa fille et sa petite fille, où il interprète avec talent un personnage au grand cœur et dévoué à ce qu'il aime. Morgan Freeman, qui est tout aussi émouvant, un papy séparé de sa famille et n'ayant pas les moyens de les voir plus souvent. Et Alan Arkin, lui, il est drôle et un honnête homme, poussé au crime par la misère le guettant et poursuivi par les avances insistantes d'une gironde cinquagénaire. Oh. Tout ça, bon, ben, ça entraîne des situations qui nous font rire, qui nous font sourire, qui dénoncent pas moins, par contre, une vision moins glamour des États-Unis, celle dans laquelle les banques impunies après l'effondrement de la bulle immobilière de 2007. Voilà. Où on expulse les gens, les malheureux propriétaires de leur foyer pour défaut de paiement. Ça évoque aussi le traitement des retraités dans parfois leurs maigres ressources et les fonds de spéculation, ouais. Les fonds de placement servant à la spéculation et qui parfois entraînent aussi la ruine. En dehors de tout ça, ça aussi, ça traite les gens pauvres, les personnes âgées qui sont mis à l'honneur. Et c'est un film réalisé par Zach Braff. Alors, j'espère que je le prononce bien. Dont la mise en scène du cas, c'est un régal à découvrir. C'est un bon divertissement qui fait passer un moment agréable de détente avec... qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? C'est des situations et des dialogues très drôles et trois acteurs en forme olympique marqué, on y revient, aux 80 ans passés. C'est original et c'est amusant. Et comme j'aime bien Morgan Freeman, j'ai pris ce livre, ce film. On ira le voir. Hein. Voilà, on ira le voir. On se fait une petite pause. Ça vous rappellera pause. Des... On fait une petite pause. Que ça vous donne pas des idées. Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on est revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac Haïdé. Et moi, je vais vous parler du troc aux plantes. Vous savez qu'on a un grand week-end et qu'il fait beau, donc on a envie de jardiner. Donc le 7 mai à Saint-Saturnin, c'est les pimprenelles. On avait reçu le monsieur qui est le président des pimprenelles. Et ces pimprenelles, c'est pratique le troc. Alors c'est de 14h à 18h dans la cour de l'Oustao, à Saint-Saturnin, les Avignons. Alors les pimprenelles renouent avec leur début en organisant un troc aux plantes et seulement un troc aux plantes. Ils proposent deux ou trois ateliers animés par les associations, leur association, mais surtout cette manifestation est organisée pour troquer, échanger, partager plantes, graines, semis, pots, livres, outils, purins, bref, tout ce qu'il faut pour faire un joli jardin, tout en ne dépensant pas beaucoup, puisqu'on échange. Hein. Donc c'est une activité pertinente et conviviale. Et ceux qui voudraient y aller peuvent prendre des renseignements au www.les-pimprenelles.com. www.les-pimprenelles.com. Voilà. Pimprenelles a pour objectif de la transmission des savoirs et des savoir-faire pour tous. Voilà. À toi, si tu as alors quelque chose à nous proposer. Alors, à moi, sur Sarbiens, vous avez plusieurs choses, dont la 6e rencontre vauclusienne du film des résistances, qui se tiendra le 27 mai, j'en reparlerai, de 10h à 19h30 à la salle des fêtes à Sarbiens. Vous avez une ouverture et un vernissage d'une exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, la célébration de la journée nationale de la résistance. Il y a de la restauration qui est prévue sur place, un film, No Land Song de Adjat Najafi. Écris-le. Ajat Najafi. Oui, c'est pas du facile, comme dit ma petite fille, c'est pas du facile. Et un autre film, alors là, c'est de l'allemand. Peut-être Linda va m'aider. Oui, Linda. Fahrenheit 451. Ah, c'est Fahrenheit. François Truffaut. Fahrenheit. Ça, c'est voilà. Sûr, c'est la température à laquelle le papier se brûle. Fahrenheit 451. Ouais. La destruction des livres. C'est formidable. Très beau film. Est-ce que c'est les amis d'Albin Durand qui font... Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des tarifs, c'est un film 4 euros, deux films 7 euros. Et il y en a un à 14h et un à 16h10. Et c'est le 27 mai à la salle des fêtes de Sarrières. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je voulais vous parler un peu plus récemment. Là, lundi 8 mai, donc vous savez qu'on a un grand week-end. C'est la fraise de la... C'est la fête de la fraise. C'est la reine et la fraise. Ah ben, j'aurais voulu le dire. La reine et la fraise. Bon, c'est la reine. La fraise, c'est la reine. Vous avez compris. C'est dans Aveyron. Alors, Siflorette, Gariguette, Pajaro ou Mara des Bois, délicatement posée dans des barquettes ou des paniers, la fraise inaugure, bien sûr, vous le savez, l'arrivée du printemps. Voilà. Donc ça se passe, c'est la confrérie de la fraise Carpentras Contavenessin, en habit d'apparat, qui tient chapitre. Ça, j'aime bien ce mot. L'ensemble musical Le Fraisier, c'est de circonstance, anime les rues, et ce sont plusieurs tonnes, vous vous rendez compte, plusieurs tonnes de ce petit bijou, rouge et charnu, que les fraisiculteurs vaucusiens proposent aux gourmands. Donc, c'est le 8 mai à Velleron, vous sentirez ça dans les rues. Je crois qu'on fait une petite pause. Dans toute la ville ? Dans toute la ville. Ok. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Badam, badam, j'ai le mal dans ma tête. Badam, badam, j'ai le crâne qui pète. Badam, badam, de conneries malhonnêtes. Badam, badam, j'ai le badam, badam. Badam, badam, j'ai le mal dans ma tête. Badam, badam, j'ai le crâne qui pète. Badam, badam, de conneries malhonnêtes. Badam, badam, j'ai le badam, badam. J'ai le mal dans ma tête, chaque jour qui passe, j'ai le crâne qui pète. Badam, badam, de conneries malhonnêtes. Badam, badam, j'ai le badam, badam. J'ai le crâne qui pète, je crois que mon cœur s'arrête. FM. Claudie, je crois que tu vas nous parler d'une... C'est quelque chose qui se passe au Chêne Noir à Avignon. Voilà, c'est un concert, c'est un tribute. C'est... Trois soirs. Voilà, trois soirs. Jeudi 11 mai à 20h30, vendredi 12 mai à 20h30, samedi 13 mai à 20h30. C'est Before the World, épisode 3, encore Floyd. Et donc, il est de retour au Chêne Noir pour la troisième année consécutive avec la création du nouvel épisode de leur saga musicale dans l'histoire du groupe. Bon, c'est un tribute band spécialisé dans le répertoire de ces géants du rock planant, encore Floyd, explore la période 1967-1977. Voilà, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur oui, rapide, je le redirai. Les animaux. On est toutes les deux avec Claudie, même je pensais une partie de l'équipe et toute l'équipe. On est pour les animaux et vous savez que le 20 mai à Pernes-les-Fontaines, il y a la salle des Augustins. À partir de 20h, il y a une soirée Gigi toute danse. Donc venez vous amuser au profit des animaux. C'est une entrée de 6€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est à SOS Animaux qui fait ça. Et vous pouvez aller sur, je pense qu'il doit y avoir un site, parce que là, il y a un numéro de portable. De 20 mai à Pernes-les-Fontaines, on le redira. D'accord. SOS animaux. Voilà, on le redira. Animaux, oui. OS à la fin. Animaux, c'est bien. Donc, on a le temps de dire encore quelque chose. Voilà, moi je voulais vous parler de la soirée anniversaire du Théâtre des Deux Mondes. C'est à Vaison-la-Romaine. Donc, c'est un florilège de sketchs et de chansons et musique. Et le Théâtre des Deux Mondes célèbre leur premier anniversaire, donc c'est pendant ce week-end-là. Ils vous invitent à fêter ensemble leur beau projet. Ça se passe 71 cours Tolignan à Vaison-la-Romaine. Et je crois qu'il y a Mathieu Madénian aussi, qui est vendredi 5 avril à 20h30 à l'Espace Ozon. Et je crois qu'on va se quitter là, et on dit au revoir à Delia. Et on la retrouvera volontiers dans tout le Vaucluse. Allez voir sa page Facebook. Elle va nous le redire. Donc Delia Vlad Sophrologie. Merci encore une fois à la très sympathique équipe de Fly FM. Et bonne journée à toutes les personnes qui nous écoutent. La semaine prochaine, merci. C'est la fibromyalgie. Voilà. Avec Madame Nicole Fort et Madame Frédéric Brunet. Voilà. On se retrouvera la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, tout le monde. Bonne journée.